Le trafic de drogue aurait permis de financer les contre-révolutionnaires du Nicaragua, ceux qu'on a appelés les Contras. Et c'est la CIA, en plein accord avec la Maison-Blanche, qui aurait couvert ce trafic. C'était une des révélations, et pas la moindre, de M. X dans la première partie de notre entretien diffusé la semaine passée, entretien consacré aux années Reagan et aux deux scandales qui ont terni sa présidence. Résumons à grands traits. Dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 1981, Ronald Reagan suspend toute aide économique et humanitaire au Nicaragua, où les révolutionnaires sandinistes viennent de chasser le dictateur Somoza. Mais pour le président américain, dont la campagne électorale a été financée par les milieux les plus conservateurs, ce n'est pas assez. Résolument anticommuniste, et parfois jusqu'à l'obsession, il veut débarrasser l'Amérique centrale de ces sandinistes qu'il accuse de faire le jeu de Moscou. Et il est prêt à tout pour réaliser son objectif, y compris à mentir au Congrès, hostile à toute intervention américaine extérieure. La CIA aide donc clandestinement les Contras. Et lorsque le Congrès, scandalisé, apprendra que les services secrets américains ont, en toute illégalité, miné les ports nicaraguayens afin d'asphyxier le pays, Reagan et ses conseillers feront appel à des pays amis et à l'aide privée pour financer les activités des Contras. À l'aide privée, mais aussi, selon M. X, à l'argent de la drogue. Les avions de la CIA qui transportaient des armes destinées aux contre-révolutionnaires repartaient avec des chargements de cocaïne destinés au marché nord-américain. Et puis il y a l'Iran Gate, une affaire particulièrement tortueuse dont le but était tout autant d'obtenir la libération des otages américains détenus au Liban que de financer les achats d'armes des Contras. Mais dans cette affaire, les États-Unis et le président Reagan ne sont-ils pas tombés dans un piège ? France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Si la lutte contre le communisme était l'idée fixe de Ronald Reagan, le président américain avait aussi une autre obsession, les otages. Et il avait une bonne raison pour cela, il ne faut pas oublier qu'il devait en partie son élection en 1980 à la question des otages. Ouais, les otages de l'ambassade américaine de Téhéran. Oui, oui, la compétition entre Jimmy Carter et Ronald Reagan s'est jouée là-dessus. Vous m'avez déjà dit que l'équipe de Reagan avait négocié avec l'entourage de Khomeini pour retarder justement la libération de ces otages. Et éviter que Carter ne retire un quelconque bénéfice. C'est sordide, mais enfin c'est la vérité. Or, à deux reprises, Reagan va aussi être confronté à ses problèmes de prise d'otages. D'abord en juin 85, lors d'un détournement d'avion. Oui, c'est un Boeing de la TWA. Oui, c'est ça, oui. L'avion qui transporte des touristes américains est détourné sur l'aéroport de Beyrouth par deux Libanais qui réclament la libération de plusieurs centaines de chiites détenus en Israël. Mmh. Les deux pirates sont déterminés et le prouvent en abattant d'emblée un des passagers. Ouais. Mais Israël va venir au secours des Américains. Oui, des prisonniers chiites vont être libérés et les États-Unis récupèrent leurs otages. Israël, comme vous dites, est donc venu au secours des Américains et à cette occasion, les Israéliens ont négocié discrètement avec les Iraniens qui ont pesé de tout leur poids sur les ravisseurs. Très intéressant parce que ça montre qu'il existe des canaux secrets entre ces deux ennemis irréductibles. Oui, donc entre Israël et l'Iran, et depuis longtemps Oui, enfin ça je vais y revenir. Les touristes sont donc relâchés, mais il y a d'autres otages américains au Liban. 7 exactement, dont le chef de l'antenne de la CIA à Beyrouth, William Buckley. Il y a aussi des Français. Hein. Et des Britanniques, des Allemands, des Italiens. Enfin, ce sont des militants du Hezbollah qui les ont enlevés. Mais chacun sait que c'est Téhéran qui tire les ficelles. Ouais. Alors leur libération dépend de l'ayatollah Khomeini. Oui, c'est évident. Enfin, revenons à Reagan. Je vous ai dit, cette question des otages l'obsède. D'autant plus que l'opinion américaine réclame avec force que la Maison-Blanche agisse résolument pour obtenir le retour de ses compatriotes. D'autre part, à la CIA, comme vous pouvez l'imaginer, on supporte très mal de savoir qu'un agent important de la centrale se trouve entre les mains du Hezbollah. Ouais. Difficile pourtant d'aller négocier avec celui qui traite les États-Unis à longueur de discours de grand Satan. C'est vrai. Bon, enfin, la négociation peut être indirecte. Et justement, un consultant du Conseil national de sécurité propose ses services. Le Conseil national de sécurité, enfin, nous en avons déjà parlé au cours de la première partie de cet entretien sur les Contras. Il faut quand même préciser son rôle. C'est un organisme qui se trouve près du président des États-Unis et qu'il conseille sur toutes les affaires touchant à la politique extérieure et, comme son nom l'indique, la sécurité du pays. Alors, ce consultant dont vous parlez là? Il s'appelle Michael Ledin. C'est un spécialiste du Moyen-Orient et des questions de terrorisme. Et à plusieurs reprises, il a collaboré avec les services secrets. Mais ce sont surtout ses relations avec Israël qui sont intéressantes. Ses relations? Parce qu'elles sont très très étroites. Vous voulez dire, attendez, que ce Ledin est peut-être un agent israélien? Ça me paraît probable. Oui. Alors, lorsqu'il propose ses services dans cette affaire d'otage, c'est donc à l'initiative d'Israël? Je le pense, oui. Enfin, je vous expliquerai pourquoi. Et justement, Ledin pense que la solution du problème des otages se trouve peut-être en Israël. Décidément. Mais... Décidément, oui. Mais bon, pourquoi en Israël? Ledin dit à ses relations de la Maison-Blanche que les Israéliens disposent de renseignements très intéressants sur l'Iran. Et il propose de se rendre en Israël afin de s'informer. Mais d'où tire-t-il cette conviction? Ledin est bien placé pour savoir que ses amis israéliens entretiennent des relations secrètes avec l'Iran des ayatollahs. Ouais, ça, vous m'en avez déjà parlé, alors. Peut-être temps de m'en dire un peu plus, maintenant. C'est ce que je me proposais de faire. Les Iraniens sont les ennemis les plus résolus des Irakiens. La guerre féroce qui les oppose va durer de longues années et faire des centaines de milliers de morts. Or, les Israéliens, non sans raison, considèrent que leur adversaire le plus dangereux au Moyen-Orient, c'est l'Irak. Oui, l'ennemi de mon ennemi étant mon ami. Ils ne l'ont pas jusque-là. Enfin, il est certain que le conflit qui opposait l'Iran à l'Irak ne pouvait pas déplaire aux Israéliens. Mieux, il était tentant de donner un petit coup de pouce, là, aux Iraniens. Un petit coup de pouce, quoi, des armes? Naturellement. Le gros problème de Téhéran, dont l'armée du temps du Shah était essentiellement équipée de matériel américain, c'était de se réapprovisionner en munitions, en pièces de rechange. Et Israël, vous ne l'ignorez pas, était aussi équipé de matériel américain. Donc il y a eu des livraisons d'armes israéliennes à l'Iran de Roménie, c'est parfaitement, ça? Parfaitement, très tôt, très discrètement, bien sûr. Ni l'Iran ni Israël n'avaient intérêt à ce que ces trafics contre nature soient rendus publics. Car n'oubliez pas, Roménie ne cessait d'appeler à la destruction de l'État hébreu. Ouais. Et comment ça se passait, là, ces livraisons clandestines? L'homme clé, celui qui négociait les contrats et les livraisons, sans oublier de prendre de confortables commissions au passage, s'appelait Gorbanifar. Gorbanifar, c'est un Iranien, ça? Oui, un type qui avait appartenu au service secret du Shah. Ouais, la sinistre savate. C'est cela, oui. Mais curieusement, Gorbanifar entretenait d'excellentes relations avec le nouveau régime des ayatollahs. Encore un agent double. Ou au moins triple, parce que ce marchand d'armes était aussi très proche du Mossad israélien. Lui aussi, alors. Et oui, et oui. Par conséquent, sur le régime des ayatollahs. Oui, mais est-ce que cet agent triple, la Gorbanifar, est réellement fiable? Vous voulez dire, est-ce qu'on peut faire confiance à un agent effectivement triple? C'est ce que je dis, oui. Bien, dans la masse de renseignements qu'il apporte, il faut trier, c'est certain. Oui, parce qu'il peut intoxiquer les uns et les autres. C'est évident. Ouais. Les Américains qui sont des maniaques du polygraphe... Attends, le polygraphe, qu'est-ce que c'est, là? C'est ainsi qu'ils appellent le détecteur de mensonge. Ah, oui, d'accord. Donc un jour, les Américains lui feront subir un test. La conclusion sera particulièrement éloquente. Gorbanifar ment en permanence. Il n'a dit la vérité que lorsqu'on lui a demandé de donner son nom. En effet, mais... Vous m'avez souvent dit qu'il fallait aussi se défier du détecteur de mensonges à ce pays. Enfin, revenons à Ledin et à sa mission en Israël. Il rencontre le Premier ministre Shimon Peres et ses amis du Mossad. Que cherche-t-il, exactement? À mon avis, il a déjà une petite idée derrière la tête. Vous savez quoi? Ledin est bien placé pour connaître la filière israélo-iranienne et le rôle qu'y joue Gorbanifar. Et il imagine une combinaison qui pourrait permettre de résoudre la difficile question des otages tout en faisant plaisir à tout le monde. Une combinaison, je vous dis. Oui, d'après les informations qu'il a recueillies, Ledin sait que Téhéran a un besoin urgent d'armes. À cause de la guerre avec l'Irak. Oui, d'autre part, les États-Unis veulent à tout prix récupérer leurs otages détenus par le Hezbollah, c'est-à-dire pratiquement les Iraniens eux-mêmes. Ouais, donc on fait du troc, armes contre otages. À peu près. Ça pouvait pas être aussi simple que ça. Les Américains étaient officiellement les pires ennemis des ayatollahs. Oui, c'était réciproque. En outre, Washington, après l'affaire des otages de l'ambassade, avait décidé un embargo sur les armes destinées à l'Iran. Oui, il fallait donc trouver un subterfuge. Ou, comme disent les spécialistes, un coup de circuit. Et c'est là où Ledin a eu une idée de génie, à défaut d'être très moral. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Michael Ledin était-il un agent israélien? Dans un livre publié en 1987 chez Fayard, La Menace, Pierre Péan écrit ceci à propos de ce conseiller de la Maison-Blanche. Outre ses relations avec Kazeh et d'anciens agents de la CIA marqués à l'extrême droite, le fait important, dans la pièce intitulée Iran Gate, réside dans ses liens privilégiés avec Israël. Sa femme, Barbara, était l'assistante de Stephen Bryan du Pentagone, soupçonnée par le FBI à la fin des années 70 d'avoir livré des secrets américains à Israël. En 1981, Ledin fonde avec le même Bryan l'Institut juif pour les affaires de sécurité nationale, un lobby qui défend les intérêts israéliens en matière de défense. Quand Israël envahit le Liban en 1982, l'état-major de Tsahal l'invite à visiter les territoires occupés. Il est enfin un ami de Shimon Peres et plus généralement voue une admiration sans borne à Israël, où chaque fois qu'il le peut, il vient passer ses vacances. Ce n'est pas une preuve, certes, mais ça accrédite quand même la version de M. X. Et cette idée géniale, ce coupe-circuit. Israël, bien sûr. Israël qui vend aux Iraniens des armes lui appartenant. Des armes qui seront aussitôt remplacées par des livraisons correspondantes en provenance des États-Unis. Ouais, comme ça, personne ne pourra accuser Washington de vendre du matériel militaire à terre. Exactement. Seuls les Israéliens se mouilleront. Enfin, ça fait déjà longtemps qu'ils traficotent avec les ayatollahs. Alors un peu plus, un peu moins, puis ils sont suffisamment habiles pour que personne n'en sache rien. D'accord, mais comment font-ils alors? Pensez bien que ce ne sont pas des cargos ou des avions israéliens qui livrent ces armes, non. Les Israéliens se débrouillent pour vendre ces armes à des marchands. Oui, des intermédiaires. Oui, des intermédiaires qui revendent à leur tour à terre. D'autres coupes-circuits, en somme. Oui, c'est ça. Ouais. Revenons à Ledin. Son idée est en effet très astucieuse, mais elle nécessite l'accord de toutes les parties. Oui, vous avez parfaitement raison. Et Ledin, via Gorbanifar, s'assure que Téhéran acceptera le troc. Il s'enquiert même de la nature des matériels qui intéresseraient les Iraniens. Israël, pour sa part, est tout acquis à cette idée, pour cause. Donc, qu'estimez-vous, là? Vous l'avez compris. Israël veut à tout prix continuer à vendre des armes à l'Iran. C'est pour l'État hébreu un objectif essentiel. Il faut que la guerre avec l'Irak dure le plus longtemps possible afin d'affaiblir le régime de Saddam Hussein et son potentiel militaire. Et pour ce faire, les Israéliens sont prêts. Ouais, y compris en piégeant leur grand allié américain? Oui. Les Israéliens ont toujours été excessivement réalistes. Hein. Ou cyniques. Bon, je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Enfin, laissez-moi poursuivre. À Washington, il est plus délicat de s'engager dans une telle affaire. Parce qu'on comprend que c'est très, très dangereux. Bien entendu. Et s'il y a des fuites, c'est le scandale assuré. Et même à l'intérieur du Conseil national de sécurité, il y a quelques réticences. Livrer des armes à l'Iran, même indirectement, c'est pas rien. C'est en contradiction avec tout ce que dit officiellement la Maison-Blanche depuis des années. Et puis, il y a un aspect très gênant dans cette affaire. Le troc. Oui, le troc. Ça signifie en d'autres termes qu'on accepte de payer une rançon pour récupérer les otages. Et ça aussi, c'est en contradiction totale avec la politique du président Reagan, qui a toujours affirmé haut et fort qu'il ne fallait jamais négocier avec des terroristes. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Alors, comment faire hein? Ledin, toujours lui, a une nouvelle idée pour amadouer les plus réticents. Bref, pour faire passer la pilule et éventuellement justifier l'injustifiable, il prétend qu'il existe des Iraniens modérés. Des gens avec lesquels il faut d'ores et déjà amorcer un rapprochement. Parce qu'après tout, Khomeini n'est pas immortel. Ouais, il est même très âgé et plutôt en mauvaise santé. Hein. Oui, et cette affaire de troc permettrait de faire un premier pas dans cette entreprise de rapprochement. Mais est-ce qu'il y a une amorce de vérité là-dedans? Absolument pas, et la suite va vous le prouver. Ouais. Et Reagan lui-même alors? Pas de problème de ce côté-là. Le président est convaincu qu'il faut tout faire pour obtenir la libération des otages. Je vous l'ai dit, c'est une obsession chez lui. Il veut en tirer profit, médiatiquement, j'entends. Alors il va s'engager personnellement. Personnellement, comment? Il va signer un document tout à fait ahurissant. Un document qui autorise le patron de la CIA à organiser cette opération et lui ordonne de ne pas informer le Congrès. Le Congrès qui aurait pourtant dû être tenu au courant. Bien sûr, puisqu'il y a un embargo américain sur les ventes d'armes à destination de l'Iran. D'autre part, la loi fédérale sur les exportations d'armes exige que le Congrès soit informé de toute livraison. Et j'ajoute enfin que ni le secrétaire d'État, George Shultz, ni le ministre de la Défense, Gaspard Weinberger, ne vont être mis dans la confidence. Ouais, c'est-à-dire les deux principaux ministres de Reagan. Et ceux qui, en principe, ont en charge les relations extérieures du gouvernement. Ouais. Reagan fait donc cavalier seul. Et comme dans l'affaire des contrats, il agit dans l'illégalité la plus totale. D'ailleurs, l'un des personnages clés de l'aide clandestine aux contre-révolutionnaires nicaraguayens, le colonel North, est aussi au sein du Conseil national de sécurité, l'un des plus chauds partisans de cette opération. Il va même en devenir la cheville ouvrière. Mmh. Cet engagement personnel de Ronald Reagan est quand même stupéfiant. Tout à fait. Et heureusement pour Reagan, lorsque l'affaire de Leon Gate éclatera, son conseiller pour les affaires de sécurité nationale, l'amiral Bon Dexter, prendra sur lui l'initiative de brûler ce document signé de la main du président américain. Ouais. Mais Reagan, ne se rendit-il pas compte qu'en engageant cette opération de troc, Il prenait des risques considérables et que les États-Unis pouvaient ensuite faire l'objet d'une sorte de chantage. Oh, franchement, je ne sais pas. Enfin, Reagan, sans doute, pour se rassurer ou échapper à sa mauvaise conscience, va construire une fable. Ce sera d'ailleurs sa seule ligne de défense. Il prétend que les livraisons d'armes aux Iraniens ne sont pas une rançon destinée à payer les terroristes du Hezbollah, mais une récompense donnée à des intermédiaires qui ont offert leurs bons offices. Voilà, en faisant semblant d'ignorer que le Hezbollah et le régime des Ayatollahs, c'est la même chose. Quoi. Exactement. Étonnant, mais... ...500 missiles. Il faut monter les enchères. C'est normal, non? Et ça se passe quand, cette négociation? Dans le courant de l'année 1985. Il y a les suivis des faits? En août 85, Israël procède à une première livraison de 100 missiles. Ouais. Des missiles qui sont immédiatement compensés, hein, disons ça comme ça, par les États-Unis. Évidemment. Et les Iraniens tiennent leur promesse, ils libèrent les otages? Pas du tout. Ils réclament les 400 missiles qui manquent. Et c'est toujours Gorbanifar, là, qui est l'intermédiaire? Toujours lui. Est-ce que les Américains ont réellement confiance en lui? Pas tous, non. Mais... Oliver North est de ceux qui pensent que l'Iranien est le seul homme qui puisse aboutir. Et il emporte la conviction de Reagan. C'est évident que les Américains vont finir par céder. Oui, en septembre, les 400 missiles manquants prennent la direction d'Israël avant d'être embarqués à destination de l'Iran. Et cette fois, donc, les otages vont être libérés. Un seul des 7 otages américains détenus à Beyrouth, un pasteur. Et cela au moment même où la CIA apprend que son agent au Liban a certainement été tué par ses ravisseurs. Ça veut dire ça, que les États-Unis ont déroulé. Hein. Et que les Iraniens vont se montrer encore plus exigeants. Maintenant, ils veulent des missiles anti-aériens. Toujours plus. Toujours plus, oui. Et ce qui est remarquable, c'est que les Israéliens, malgré la minceur des résultats obtenus, sont les premiers à pousser la Maison Blanche à persévérer. Après ce que vous avez dit, le contraire aurait été étonnant. Oui, enfin, il y a aussi une autre raison. Ces trafics d'armes où interviennent de nombreux intermédiaires, par exemple le fameux marchand d'armes saoudien Khashoggi, donne lieu au versement de confortables commissions qui atterrissent sur des comptes en Suisse. Et je suis persuadé que les services secrets israéliens ne veulent pas être indifférents à cet aspect des choses. Pensez qu'ils ont touché? Dans tous les pays, les services ne dédaignent pas la constitution de cagnottes qui permettent de réaliser des opérations que le budget qui leur est attribué leur aurait interdit de faire. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette affaire de commission va donner des idées à notre cow-boy du Conseil national de sécurité. Le colonel North. Oui, North, l'activiste et ambitieux colonel North. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. À l'évidence, le colonel Oliver North, Oli, comme ses proches l'appellent, a joué un rôle considérable dans cette affaire de l'Iran Gate. Mais qui est-il ? Anne Rowe, qui a écrit un ouvrage sur l'Iran Gate, affirme qu'il a une énergie irrépressible, bandée comme un ressort. Et elle ajoute qu'il n'avait pas une modeste opinion de sa personne et qu'il s'arrangeait toujours dans les photos de groupe pour se placer au centre. L'ancien directeur du Monde, André Fontaine, s'est lui aussi intéressé à l'ancien officier des Marines. Dans un livre paru en 1995 chez Fayard et intitulé « Après le déluge », il écrit, je le cite, « Pour Larry Spix, le porte-parole de la Maison-Blanche, il donnait l'impression de traverser le pays comme s'il se trouvait toujours devant une caméra de télévision. Et bien que personne ne sût qui il était et que sa mission fût secrète, tout devenait un film. » Un de ses collègues le décrit comme une personne unique, avec de fortes qualités, extrêmement engagée, énergique, un chef né. Mais il a tendance à voir le monde en noir et blanc. Quand les choses ne cadraient pas avec sa structure mentale, il les ignorait. Cela aveuglait sa vision. Un tel tempérament ne prédispose pas vraiment aux actions clandestines dont le colonel n'a au demeurant aucune expérience. Il dessine en revanche le portrait d'un bouc émissaire idéal. C'est le rôle que devra jouer, moins d'un an plus tard, l'infortuné Holly. North, ne l'oublions pas, est en charge du dossier des contrastes. Depuis que le Congrès s'est fâché et interdit toute aide directe aux contre-révolutionnaires nicaraguayens, la Maison-Blanche a passé outre en privatisant cette aide. Nous en avons déjà longuement parlé au début de cet entretien. Par conséquent, North cherche à tout prix à financer les achats d'armes des contrastes. Il a sans cesse besoin d'argent. Voilà, et il se dit qu'une partie de l'argent versé dans les comptes ensuite pourrait revenir aux contrastes. Ouais, aux dépens des intermédiaires ? Non, il suffirait d'augmenter les prix des armes. Après tout, l'Iran avait tellement besoin de matériel militaire qu'il était prêt à payer très cher. Alors c'est donc l'Iran qui va payer indirectement les armes destinées aux contrastes. Joli tour de passe-passe, non ? Malheureusement, North est sans doute un officier de talent, mais ça n'est pas un homme d'affaires. Et il ne récoltera que des miettes pour ses contrastes. Des miettes Quelques millions de dollars. Ah, des sommes énormes se sont évanouies dans la nature. Enfin, quand je dis évanouies... Mais ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Bien sûr que non. Les intermédiaires ont roulé dans la farine le trop naïf colonel. Mais c'est une autre histoire. Ouais. En tout cas, ça signifie que les ventes d'armes à l'Iran ont continué. Hein, oui, au cours de l'année 86, quelques 1000 missiles anti-chars ont été livrés à l'Iran. Et toujours en utilisant le même système, là ? À peu près, oui. Enfin, un autre homme est entré dans le jeu, le général Secord. Ouais. Vous avez mentionné son nom à propos des contrastes. C'est exact. Secord, avec l'appui de la CIA, avait monté plusieurs sociétés, dont des compagnies aériennes chargées d'aider les contrastes. Eh bien, cet ancien général va aussi s'occuper de faire parvenir des armes à Téhéran. Et au fond, ça simplifie un peu le circuit, puisque l'argent, enfin une partie de l'argent, doit être récupérée au profit des contrastes. Ouais. Et les otages, alors ? Les otages ? Les ayatollahs promettent, mais rien ne vient. Malgré ces livraisons importantes d'armes. Oui, et pourtant, à la Maison-Blanche, on s'entête. Alors qu'on se fait mener en bateau. Ça me paraît clair, oui. Mais Reagan, qui est personnellement engagé dans cette affaire et qui a même pris des risques considérables, ne veut pas reculer. Et il en est de même pour le bouillant colonel North. Et cela alors même que Téhéran se fait encore plus exigeant. Encore plus d'armes. Et pas seulement des armes. Que voulez-vous dire alors ? Les Iraniens sont demandeurs de renseignements. Des renseignements de quelle nature ? Ils veulent en savoir plus sur les positions irakiennes. Et les Américains sont en mesure de leur donner ces précieuses informations. Ah oui, grâce à leur satellite d'observation, c'est ça ? Naturellement, oui. Et les Américains acceptent cette nouvelle demande ? Ils hésitent un peu, mais enfin, il y a un vrai débat à la tête de la CIA. Expliquez-moi ça. D'abord parce que cette fourniture de renseignements pourrait avoir des conséquences importantes sur l'issue du conflit. En donnant un avantage décisif aux Iraniens, par exemple. Et franchement, les Américains n'ont pas très envie non plus que l'Iran triomphe et écrase les troupes de Saddam Hussein. Parce que ça bouleverserait tout l'équilibre de la région. Et puis, il y a une deuxième raison. C'est que la CIA donne déjà des renseignements à l'Irak. La CIA aidant Saddam Hussein, ça ne manque pas de sel. Oui, surtout quand on pense que 5 ans plus tard, ce sera la guerre du Golfe et l'opération Tempête du désert. Alors, devant cette demande iranienne, que décident les gens de la CIA ? Sous la pression de la Maison-Blanche, Kazel, le patron de la CIA, prend une décision mi-chèvre, mi-chou. La centrale va fournir des renseignements à Téhéran, mais pas sur toute l'étendue du front. Ça veut quand même dire que les Américains vont à la fois renseigner les Irakiens Et les Iraniens. Oui, mais ce faisant, ils concourent à prolonger cette guerre où on assiste aux pires horreurs. D'un côté, il y a Saddam Hussein qui n'hésite pas à utiliser les armes chimiques, et de l'autre, il y a Roménie qui envoie des vagues humaines de jeunes hommes et d'adolescents se faire massacrer. Mais est-ce qu'au moins Téhéran manifeste une certaine reconnaissance? Pas le moins du monde. Il n'y a toujours pas de libération d'otages. Non, c'est quand même complètement incompréhensible tout ça. Manifestement, les ayatollahs veulent tirer le maximum de profit des otages. Ça, je peux le comprendre, enfin, même si le procédé est odieux. Hein. Mais c'est l'attitude de Washington qui est incroyable. Je sais, mais enfin, on ne cesse de dire à Reagan que la libération des otages est imminente. À qui le lui dit? Le colonel Nance, bien sûr, qui a besoin d'argent pour ses chères contraintes. Mais aussi les Israéliens qui poussent toujours à la roue. Ou encore le sulfureux Gorbanifar qui a réussi à se rendre indispensable. Malgré les doutes des Américains, il demeure le contact privilégié avec les ayatollahs. Son intérêt à lui, c'est quoi? Bah, c'est un marchand d'armes, ne l'oubliez pas. Ouais. Donc il a intérêt, lui, à ce que ça dure le plus longtemps possible. Ouais, et puis je vous l'ai dit, il est très lié aux Israéliens. Ouais. C'est même un agent du Mossad, m'avez-vous dit. Hein, oui, ouais. Et Israël, je le répète, ne poursuit dans cette affaire qu'un objectif, fixer Saddam Hussein. Fixer, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, tant que les Irakiens combattent les Iraniens, ils ne s'occupent pas d'autre chose, vous comprenez? Et ils ne menacent pas Israël. Évidemment. Ça. Enfin, revenons à Gorbanifar. Pour ne pas user la patience des Américains, il doit faire preuve de toujours plus d'imagination. Et au printemps 86, il affirme que les Iraniens sont prêts à discuter directement avec une délégation américaine. Où ? À Téhéran. Mais naturellement, cette rencontre doit se faire dans la plus grande discrétion. Aussitôt informé, le président Reagan donne le feu vert. Ouais. Et qui va faire partie de cette délégation américaine ? Un ancien conseiller pour la sécurité, Robert McFarlane. Un homme qui jouit toujours de la confiance de Ronald Reagan et qui joue un grand rôle dans la coulisse. Et puis, bien sûr, il y aura le colonel Nance. Enfin, toujours lui. Et oui, il est prévu que les deux Américains n'arriveront pas les mains vides. C'est-à-dire ? Bah, l'avion qui les emportera vers Téhéran sera bourré de pièces détachées de missiles. Ouais, une sorte de cadeau de bienvenue. Et Gorbanifar, qui a organisé l'affaire, affirme que les otages seront tous libérés après que la délégation américaine aura rencontré les principaux personnages de l'État iranien. Et comment ça va se passer sur le terrain, hein ? Bah, très mal. D'abord, les Américains ne rencontrent pas les hauts personnages avec lesquels ils s'attendaient à discuter. Ensuite, les Iraniens font la fine bouche devant les pièces détachées qu'on leur offre. Ça ne leur plaît pas. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que la livraison serait plus importante. Donc c'est l'échec. Et une nouvelle humiliation pour Washington. Pour la première fois, Reagan pense qu'il a fait fausse route en proposant ce troc. Armes contre otages. Et il est prêt à abandonner. Mais les Iraniens, très bien informés par Gorbanifar, sentent le danger. Et ils envoient un signal à la Maison-Blanche. Dans un discours, le président de l'Assemblée, Rafsanjani, évoque la possibilité d'un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Une manœuvre ? J'en suis persuadé. Mais peu après, Téhéran fait un nouveau geste. Un otage américain est libéré. Le résultat, c'est qu'à Washington, on recommence à y croire. Et aussitôt, un nouveau lot de pièces détachées de missiles prend la direction de l'Iran. Donc le chantage qui continue ? Absolument. Et contre la promesse de la libération d'autres otages, le trafic se poursuit. Et on voit ressurgir le mythe des Iraniens modérés, ceux qui succéderont un jour à Khomeini. Un mythe, vous en êtes vraiment sûr ? Bah, dans l'Iran de ces années-là, les modérés, s'ils existent, n'ont aucune réelle influence. Mais Washington y croit et de discrètes négociations sont entamées avec un proche de Rafsanjani. On a même dit qu'il s'agissait de son propre fils. En tout cas, ces contacts discrets se traduisent concrètement par de nouvelles livraisons d'armes. Et toujours sans libération d'otages ? Un Américain est libéré au début novembre. Mais dans le même temps, trois autres Américains sont capturés au Liban. Ça montre bien les limites de ces négociations avec ces soi-disant modérés. Enfin, n'importe comment, ça n'a plus d'importance parce que le piège va se refermer sur Reagan. Ouais, le piège. Oui. C'est en octobre 86, vous en souvenez, que le pilote américain Senfus s'est récupéré par les Nicaraguayens après le crash de son avion. C'est le début du scandale des contrastes, car cet homme qui travaillait pour la CIA, hein, va raconter tout ce qu'il sait. Et conséquence, à Washington, Reagan est mis en difficulté, quand on comprend qu'il berne le Congrès depuis qu'il est au pouvoir. Et dans ses tentatives de justification, pardonnez-moi l'expression, mais le grand communicateur s'en mêle un petit peu les pinceaux. C'était les gamins, disons. À Téhéran, on comprend immédiatement que l'affaire des livraisons d'armes risque d'être tôt ou tard dévoilée. Parce que les Iraniens savent qu'une partie de leur argent sert à financer les contrastes. Ils ne peuvent pas l'ignorer, puisque leur ami Gorbanifar est dans le coup. Et aussitôt, les ayatollahs décident d'en tirer un bénéfice politique. Et comment vont-ils faire, alors? De quelle façon? Ben leur but, car ils savent désormais qu'ils ne pourront plus recevoir d'armes américaines, c'est d'affaiblir le président du grand Satan, comme ils disent. Et en novembre 86, un journal béroutin publie comme par hasard une information révélant l'existence des ventes américaines à l'Iran. Et vous pensez que cette fuite a été téléguidée par Téhéran ? Je ne me pose même pas la question, j'en suis sûr. Et c'est là le piège qui a été tendu à Reagan, l'affaire de l'Iran Gate est lancée et n'est pas près de s'éteindre. Il est vrai que Ronald Reagan se défendra très maladroitement, se contredisant plusieurs fois. Mais le président américain parviendra à s'en sortir, alors même que les faits qui lui étaient reprochés étaient d'une extrême gravité. Et ce sont quelques fusibles de son entourage qui sauteront opportunément, le colonel North et l'amiral Poindexter en particulier. Ces hommes et quelques autres seront condamnés, mais leurs procès seront annulés en appel. Et en décembre 1992, quelques jours avant de quitter la Maison Blanche, George Bush, le père de l'actuel président, pardonnera à tous. Un mot encore. Aux dernières nouvelles, l'ancien colonel North, après avoir échoué dans la politique, vendrait des gilets pare-balles. Ça ne s'invente pas. À samedi prochain, et je vous rappelle notre site internet franceinter.com, vous pouvez nous envoyer des commentaires, vous pouvez aussi réécouter cette émission.